Bonjour. Aujourd'hui, c'est le solstice d'été et aussi la fête de la musique. Donc l'émission qu'on vous a concoctée va parler de tout ça. Youpi, mais pas que. On va aussi parler de violences policières et on a également choisi de faire une émission plutôt musicale. On va partager quelques morceaux qu'on aime, ce qu'ils nous évoquent, etc. Donc, d'abord un point qu'est-ce qu'un solstice, puis quelques musiques commentées. Ensuite, mais ça vient d'où la fête de la musique? Et un petit encart sur les violences policières. Et de nouveau, des musiques qui seront commentées. Donc on va commencer par un petit point astronomie sur le solstice. Alors, mais qu'est-ce que c'est donc un solstice? Bah, un solstice, c'est un événement astronomique. C'est lorsque la position apparente du soleil, vue de la Terre, atteint son extrême méridional ou septentrional, sud ou nord, en fonction du plan de l'équateur. Concrètement, le solstice d'été, c'est quand les jours sont les plus longs de l'année dans l'hémisphère nord, par opposition au 21 décembre, où les jours sont les plus courts de l'année, toujours dans l'hémisphère nord. Et c'est quoi la différence avec un équinoxe? Eh bien, équinoxe, c'est à l'automne et au printemps, le moment où le soleil est en plan par rapport à l'équateur. Ça fait quoi, du coup? Bah, c'est un peu des moments qui rappellent qu'il y a de la matérialité dans la vie, il y a les saisons, il y a l'espace et le temps. Et ça a pu être un peu angoissant, cet infini. Et du coup, les humains ont donné du sens, ont créé des rituels, ont inventé des fêtes, tout un tas de pratiques païennes qui, au-delà des dogmatismes, des monothéismes, ont fait du sens pour vivre ensemble sur cette terre. Et il y a des mouvements, les mouvements écoféministes avec Starhawk, les sœurs de la perpétuelle indulgence, le mouvement Wicca et les autres sorcières qui ont redonné sens à ces rituels un peu perdus. Merci pour ces explications. Et c'est quoi le rapport avec la fête de la musique, du coup? Eh bien, parce que ça se retrouve le 21 juin. Et du coup, c'est devenu la fête de la musique en France, mais dans plein d'endroits dans le monde, c'est d'autres choses aussi. On va reparler de cette fête de la musique après un petit morceau. C'est quoi le premier morceau? Ah, le premier morceau, on va écouter Music des Slugs. Et voilà. Alors, c'est la première fois qu'on essaye de... qu'on utilise la platine CD comme un ouragan sur Radio Dio. Bigos à la technique. I know that you can make it. Voilà, c'était les Slugs avec Music. Et du coup, c'est un morceau qui est, c'est le dernier morceau de leur tout dernier disque qu'elles ont fait avant de splitter. Et moi, j'ai choisi ce morceau parce que déjà, il dit la musique m'a sauvé la vie. Et bon, déjà parce qu'il est bien. Et aussi parce que quelque part, à un moment où moi, j'allais vraiment pas bien. Je pense que ça fait partie des petits morceaux qui ont un peu contribué à sauver la mienne. Je vais vous raconter un peu ma vie, j'aime bien faire ça dans la radio. Je pense que j'ai joué dans un groupe qui s'appelait Gaeten et on a fait une tournée avec les Slugs. Et c'est pour ça que vers quelque part, vers 2012-2013. Et je pense que c'est une tournée où j'étais hyper chiante tout le long parce que j'allais mal. Mais je trouvais vraiment ce... même pendant les répètes, avant avec mes potes, en vrai j'étais hyper chiante. C'était hyper sympa de me proposer de faire un groupe et de m'emmener quand même en tournée. Mais en tout cas, ça faisait un truc où le moment du concert et le moment de voir les Slugs sur scène, ou aussi le moment de monter moi sur scène et de jouer avec mes copines, ça fait un truc où c'est des moments un peu où le monde il s'arrête et où la dépression et tous les trucs pourris ils n'existent plus et tout ce qui compte c'est c'est d'être ensemble et de jouer ensemble ou de partager à écouter un groupe ensemble et voilà du coup c'est un peu ça pour moi que je voulais partager en ce jour de fête de la musique que là, pour moi partager de la musique c'est ça aussi que ce soit en faire ou en écouter c'est un truc qui peut nous permettre soit de faire sortir nos émotions quand on en fait dans le son, soit quand on partage un concert de vivre voilà, une espèce de moment un peu hors du temps comme ça. C'est très beau. Non, c'est vrai. Et roula. Alors, voilà, du coup c'est aussi les tests techniques. Alors attendez, parce que un, il faut que je dise des choses pour annoncer ma chanson. Et deux, tout en écoutant ce qui se passe, mes classes, elles harcèlent à moitié quand je parle fort. Non, ça va ? Là, c'est bien. Hein. Non, c'est bien. Super. Cool. C'est dimanche. Hein. Il est que 17h. Bon, c'est un peu tôt pour notre gueule de bois. Du coup, voilà. Mais là, quand même, quand je parle, ça... Non ? Hein ? Ouais. Bon, bref. Du coup, excusez-moi, je fais le focus sur le Larsen. Je fais exactement le truc que je m'étais dit qu'il fallait que j'arrive à ne pas faire, c'est-à-dire bugger en direct. Mais c'est pas grave. Alors, moi, la chanson que je vais passer, c'est une chanson qui raconte... en gros, c'est un couple... c'est une chanson qui parle d'un couple de PD qui s'en prend plein la gueule. Ce qui n'est pas très, très gay, finalement, hein, comme thématique, mais en tout cas, elle est quand même super belle et super émo. Et quoi ? Non, c'était une blague. T'as dit c'est pas très gay, mais quand même un peu. C'était une blague, mais t'as dit c'est pas très gay, mais c'est quand même un coup de PD, du coup. Un peu. On aime les jeunes mots. Je t'entendais pas parce que je n'avais pas mis mon casque sur les oreilles. Du coup, c'était compliqué. Je me tais. Oui, s'il te plaît, parce que là, j'étais partie. J'avais débugué. Merci. Du coup, tout ça pour dire. Parce qu'à la base, j'avais pas prévu de passer cette chanson. Et non. Et que c'était pas sympa pour les copines qui avaient préparé, puisque du coup, je les ai fait changer leur playlist au tout dernier moment. J'avais prévu de passer une chanson qui s'appelle I Kissed a Girl de Katy Perry. Mais, en fait, il se trouve, déjà vu ma soirée d'hier soir et vu. Que quand même Katy Perry, en vrai, elle est super conne dans cette histoire de chanson. Du coup, je me suis dit, même si bref, en fait, c'était pas bien. J'ai re-regardé le clip, c'était nul à chier. Du coup, j'ai dit non, je vais pas faire ça. Et en plus, hier, c'était l'anniversaire de Mathias, qui est mon PD préféré de la vie, et voilà, je me disais que j'avais juste envie de dire que des fois, j'aime très très fort mes amis. Transpédéguine et notamment celui-ci en particulier. Alors voilà, on va écouter. Ça va être super. Human, she's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak,

a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. When I don't wanna fall in love, it's only gonna break your heart. No, I don't wanna fall in love, it's only gonna break your heart with you. Sur Radio Dio 89.5 dans l'émission Comme un ouragan, et on vient d'écouter Wicked Game des Reines Prochaines, qui est une reprise d'un morceau originalement écrit par Chris Isaak, qui parle complètement de dépendance affective. Mais moi, j'ai choisi de passer ce morceau parce que je trouve que les Reines Prochaines, elles sont super, et que cette version du morceau avec les cris à la fin que j'ai accompagnés en direct, elle met vraiment en valeur le côté... en fait, c'est de la merde, la dépendance affective. Mais on est un peu tous et toutes traversés par ça, parfois, à des moments de nos vies. Et la première phrase, elle dit vraiment genre... Le monde était en train de brûler et genre personne d'autre que toi pouvait me sauver. Et c'est un peu comme la critique de ce truc d'avoir comme une seule personne qui pourrait tout vous apporter dans la vie, et que c'est pas toujours sain pour certaines personnes de fonctionner comme ça, et ça peut avoir des conséquences bien plus compliquées qu'on peut l'imaginer, et que le monde dans lequel on vit, il a grave tendance à transmettre le fait que l'amour, ce serait en fait de la dépendance affective, mais comme déguisée, parce que l'amour c'est beau, l'amour c'est grand, l'amour c'est plus fort que tout, je sais pas quoi. Et du coup, c'était comme une nuance à apporter sur l'amour. Voilà. Alors après, on va écouter Revolt des Lesbians on Ecstasy. Revolt, parce que dans un monde injuste, la moindre des choses, c'est d'être révolté. Lesbians on Ecstasy, c'est un groupe électropunk canadien de Montréal du début des années 2000. Leur nom, c'est en référence au groupe allemand, les Chicks on Speed. Et pourquoi j'ai voulu passer cette chanson ? Parce que la scène DIY, avec le fait de faire tout soi-même en dehors des rapports habituels de consommation et de production, c'est une chose qui me parle. Et aussi... Le punk, ça me parle parce que c'est pas forcément que la musique est très belle, mais elle est traversée d'impressions et du coup elle crée des émotions et aussi de la rage contre les injustices sociales. Et puis c'était aussi un clin d'œil au mouvement Riot Girls qui dénonçait déjà dans les années 90 qu'il n'y avait pas assez de meufs sur scène. Et puis là, c'est les Lesbian Sun Ecstasy et ça fait plaisir d'entendre des lesbiennes. Et puis ça fait penser aussi à tout le mouvement queercore après, de début du 21e siècle. Et c'est toujours bien cette musique parce que parfois, quand on oublie que être visible, c'est aussi être audible. Du coup, Revolt des Lesbian Sun Ecstasy. Thank you. bienvenue de retour dans Comme un ouragan sur le 89.5 de Radio Dio. La technique a rebu une bière, ça va beaucoup mieux, visiblement. On fait une émission sur le solstice d'été et sur la fête de la musique. On a choisi plein de musique et la musique, c'est super. Mais à la fête de la musique en France, elle a été créée par Jack Lang, ministre de la Culture, le 21 juin 1982. Et en France, on a eu la particularité d'avoir le Parti Socialiste au pouvoir entre 1981 et 1995, donc pendant 14 ans. Et en 81, l'arrivée de la gauche au pouvoir était un grand espoir populaire. Et au fil des années, ça a été déception, désillusion, institutionnalisation des luttes et des pratiques populaires et une grande dépolitisation qui a amené à la fin des idéaux collectifs et qui a fait du mal à plusieurs niveaux. Au niveau féminisme, ça a entraîné une institutionnalisation des luttes. Sur la question de l'homosexualité, on a vu la gestion du sida quand même assez misérable. Déjà en 83, il y avait la marche des beurs qui dénonçait le racisme et qui demandait l'égalité, un peu sur les mêmes bases que maintenant, qui n'ont pas été entendues à l'époque et qui ont été même noyées derrière SOS Racisme. Le gouvernement socialiste, ça a été aussi la mise en place d'exceptions administratives pour les migrantes, la création des centres de rétention, le visa Balladur à Mayotte. Et le gouvernement socialiste a aussi prolongé la politique militaire agressive de la France, a participé à la guerre du Golfe, a continué la France-Afrique et le développement du nucléaire militaire et civil. Toujours à l'actif du Parti Socialiste, il y a eu le démantèlement des industries françaises et la répression violente contre toutes les luttes de la classe ouvrière, avec l'implantation des idées néolibérales et l'idée qu'il n'y a pas de classe sociale, mais des individus autonomes qui doivent optimiser leurs choix et leurs stratégies. Et puis même au niveau éducatif, en 85, c'est 80% au bac et c'est la fin des pratiques populaires d'éducation, la fin de l'éducation populaire. Et là encore, les espoirs de promotion sociale individuelle se sont mis à remplacer une conscience de classe et la force collective qui pouvait se déployer dans les luttes et transformer des rapports de pouvoir injustes et inégalitaires. Du coup, dans les années 90, un des slogans des manifs, c'était « P comme pourri » et « S comme salaud » abat le Parti Socialiste. Voilà. Et du coup, on enchaîne sur de la musique. Puisqu'on s'immerge de sons et d'images qui disent que nos vies ne se forgent que dans les cages, escaliers que gentiment on nous héberge, dès qu'on a fait de nos paliers de vrais coupes-gorges. Tu mets sur tes gardes chaque fois que t'abordes ce que l'on désigne quand le débat déborde, comme des hordes de barbares en afro ou à barbe, que tu flippes de croiser le soir quand tu t'attardes. Et c'est par les urnes que tu informes que ça manque de burnes chez les uniformes, et que les vies germent dans nos épidermes, et tu sais le tapage nocturne quand les gens dorment. Tu brailles, tu clames qu'on y mette un terme, tu réclames que ceux qui te gouvernent deviennent plus fermes, que si tous boxons sous ton balcon s'acharne, c'est sûr tu feras un carton avec ton arme. Qui sont-ils? Tu verbalises des gosses, tu terrorises des vieux, tu utilises la force, brassard de police et drapeau sur le torse. Tu fracasses tes faces en légitime défense et rappelle qu'ici quand même on est en France, et que toi tu penses et fais des sacrifices, c'est pas pour l'avoir dans l'os ou l'orifice. Donc vos papiers s'il vous plaît messieurs, ôtez les mains de vos poches et puis baissez les yeux, et que personne ne bronche, tout ira pour le mieux. C'est bon, remballez vos tronches et quittez les lieux. Déjà un an de service et à ton palmarès, des sales manouches, des sales bicots et négresses, les collègues t'applaudissent et une juge te caresse, et pour fêter ça tu tires en état d'ivresse. Qui sont-ils? Qui sont-ils? mon public demande que s'arrête le trafic et la contrebande. Beaucoup plus de flics, de prison et d'amende. Selon le dernier sondage de ta commande, tu scandes, tu gueules, tu fais de grandes tirades sur la menace de ces gangs et puis du djihad. Parle d'escalade, de violence et de balade avec brigade et télé sur nos esplanades. Promets aux Français mal à ton aide, leur dis que la meilleure méthode c'est la plus raide, afin de terminer pour une fois dans les poudres avec ces voyous qui te vendent flingue et poudre. Donc ils viennent sur les listes électorales et tu rétabliras l'ordre et puis la morale. Une politique virile car l'immigré s'impose, voilà ce que ton programme présidentiel propose. Qui sont-ils? Et nous voilà de retour, c'était Kazé du coup avec Qui sont-ils, un morceau qu'on a choisi de vous passer pour vous parler un petit peu du contexte actuel. Et voilà, je vais passer la parole à notre camarade. Si. Bah, ce qu'on voulait dire, c'est que depuis quelques semaines, à Saint-Thé et ailleurs en France et ailleurs dans le monde, il y a des rassemblements contre les crimes racistes des États policiers qui se passent. En réaction à la mort de George Floyd, mais pas que. En France, les médias disent que voilà, ça se passe ailleurs, ça se passe aux États-Unis, et c'est pas bien, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, les crimes des policiers, c'est pas bien, mais ils sont absolument incapables de reconnaître que ça se passe ici aussi, que la police tue, la police assassine, et il n'y a absolument aucune reconnaissance du racisme ordinaire, du racisme institutionnel et des conséquences post-coloniales que certaines personnes vivent au quotidien, et qu'il y a une valeur différente qui est donnée aux vies des personnes racisées ou issus ou descendants de l'immigration, ici en France, en fait, c'est pas ailleurs. Voilà. Aux États-Unis, bah, y a une toute petite différence là-dessus, c'est qu'il y a une reconnaissance du passé esclavagiste, mais il y a quand même des conséquences extrêmement graves. Voilà, en France, il y a des procès qui sont en cours. Par exemple, le procès pour Wissam à Clermont-Ferrand, donc vraiment pas loin d'ici. Y a Mohamed à Firminy qui a été tué pendant sa garde à vue et que soi-disant il se serait suicidé. Pendant le confinement, il y a eu 12 ou 13 personnes qui ont été tuées par la police ici en France. Donc voilà. Je ne sais pas comment continuer, mais c'est hyper beau de voir autant de personnes se rassembler, sachant que c'est pas appelé par des syndicats ou je sais pas quoi. En fait, les gens, ils sont en colère, et ils sont en colère à raison, parce que c'est dégueulasse ce qui se passe, et on lâche pas, quoi. On continue là-dessus. Du coup, il y a aussi un bouquin pour les personnes qui sont intéressées qui s'appelle « Sans portrait contre l'État policier » qui a été écrit par le collectif Casse Rebelle et qui parle de 100 personnes et qui écrivent les histoires de ces personnes qui ont été tuées par les flics. Et là, on va écouter une chanson qui s'appelle « Hell You Talk About » de Janelle Monáe et Wonderland. Voilà, je la décrirai vite fait après. Hell you talk about, killer boy. Won't you say his name? Say his name. Janelle Monae and Wonderland already started with that song, The Hell You Talking About. So this red across our eyes symbolizes that the fact that we see the bloodshed going on in this country and it won't be overlooked. So we need to let the world know, and you need to know, that silence is the enemy and sound is the weapon. Alors c'était Hell You Talking About de Janelle Monae et Wonderland. Cette chanson, elle est là pour visibiliser les noms de personnes victimes de crimes racistes aux États-Unis, que ce soit par la police ou par des non-policiers. Et le petit speech à la fin, il décrit ce qui se passe dans le clip, parce que les artistes ont des bandes rouges sur les yeux qui symbolisent le bain de sang qui est perpétré et que personne ne ferme les yeux là-dessus. Enfin, dans les personnes qui luttent, quoi. Le silence est l'ennemi, et en parler, et la musique, et surtout faire du bruit, c'est des armes pour lutter. Moi, j'avais envie de passer une autre chanson qui parle de solidarité, de lutte ensemble. C'est une chanson qui vient du Venezuela, Canto del Pilon. Et je voudrais la dédicacer aussi aux copines avec qui on l'a chantée, à CC, à M, à Marie et encore à d'autres, et aussi aux chorales féministes pour le plaisir de chanter ensemble. C'est Canto del Pilon de Soledad Bravo. Adiós, manita querida, oh, oh, adiós, que te voy diciendo, manita, oh, di por qué no me contestas. esta manita oh. Dale duro ese pilón que se acabe de romper que en el monte hay mucho palo y papá lo sabe hacer. Ya me duele la cabeza de tanto dale al pilón para engordar un cochino y cómprame un camisón. Allá arriba en aquel cerro matrimonio civil, hijo, se casa la bemba de burro con el pescuezo de violín, hijo, si por tu marido Ben voilà, du coup c'était comme un ouragan sur Radio Dio 89.5. On a presque fini. Ah bon? Presque. Presque. Hey, j'ai aussi une chanson. Oh. Presque une chanson. J'avais oublié. Mais tu peux dire des trucs, on est tellement en avance. Si n'importe qui a envie de dire des trucs, on peut raconter tout, ouais. Tout ce qu'on veut. Ouais. Moi, je voudrais faire une petite dédicace aux copaines qui sont en train de nous écouter à Saint-Just-Saint-Rambert. Voilà, avec qui je passe 4 jours de vacances avant de re-rentrer dans le monde du travail et de la formation, ce qui va être un petit peu dur pour moi. Mais voilà, je vous fais des gros bisous. À tout à l'heure. Bon, d'accord. Attends, faut quand même dire qu'on est deux... en train de faire du technique et c'est tellement compliqué, alors on sait quoi qu'on va faire. On s'ennuie, on boit une petite bière et comme ça on dit un peu pour prendre les micros. Non, en vrai, je voulais jouer encore une chanson que j'aime beaucoup. Toi aussi, non? Ça fait partie de mes chansons favorites, tout à fait. Tout à fait. Parce que... et c'est No Ser Tu Serena. Je sais pas très bien comme ça. No Ser Tu Serena. Ah, merci. Voilà. Que ça veut dire en français, voilà, traduction directe, simultanée. En traduction simultanée, ce serait un truc comme Je serai pas ta sirène. Et non. Non, non. Voilà, non, et non. En fait, ça parle, c'est une PD qui chante cette chanson un peu. Bon, moi j'interprète, mais c'est un peu très loin, peut-être, je dirais même que c'est du contre le pinkwashing. Mais en vrai, comme il dit, je ne vais pas être votre Serena. Non, sirène, sirène. Bon, sirène, sirène. Et bon, après ça, c'est aussi très bien prononcé, mais j'aime bien ce message, en fait. Vous ne prenez pas pour votre truc... Votre caution, quoi. Votre caution gay. Voilà, merci. Ou voilà. Nos identités politiques, notamment transpédéguines, on ne veut pas qu'elles soient récupérées à des fins racistes, d'homonationalisme, et tout ça, quoi. C'est un peu... je serais pas ta sirène, quoi. Je veux bien te pédé, mais... pas pour que t'en fasses de la merde avec, avec que tu fasses si ton beurre. Si, je vais être bien pédé. Bon, c'est d'autres choses. On va passer cette chanson, et... on fait... Et merci et à voilà. La technique, tu fais du super boulot. Oui, bravo. Et voilà. C'est vraiment compliqué. Alors, play. Périphique. No hay mucho de qué hablar. Me sigue a todas partes. Mis crisis de ansiedad. Su forma de tratarme. Recuerdo naufragar, luego allí despertarme. Yo vine de alta mar y él vino a rescatarme en su balsa de vela. Contra los elementos jugó su vida entera. Maldito marinero, no quiero tus palmeras. Toma tu isla desierta, no seré tu sirena. Sur la symbolique de la sirène, mais on assume nos interprétations à comme un ouragan. Oui, on aime les interprétations à comme un ouragan. j'ai entendu que la fin de la phrase. Ah, attends, moi je peux lire le texte de présentation de comme un ouragan, histoire de clôturer, je vais chercher ça. Et oui, tout à fait. Bon, en tout cas, on vous retrouvera à la rentrée toujours sur Radio Dio, mais avec un nouveau format qui est encore en préparation, ébullition dans nos têtes. Mais moi, je vous retrouverai pas à la rentrée parce que je serai plus là. Alors, je vous dis au revoir, auditrices et auditeurs de Radio Dio. Oh, mais au revoir aussi, dis donc. J'appellerai comme ça, j'essaierai de faire en sorte que mes camarades de la technique arrivent à faire marcher l'insert du téléphone aussi. Ouais, c'est pour s'entraîner. Ah, waouh, ça va être super. Allez, donc, c'était l'émission Comme un ouragan. Alors, Comme un ouragan. L'émission qui fait voler en éclats l'ordre des choses. Comme un ouragan, l'émission qui dévaste nos vies, nos rêves en furie, qu'on ne peut plus arrêter. Comme un ouragan, conscientiser le passé et recracher les paroles des minorisés. Comme un ouragan, perspective féministe, allume ta radio, l'air chaud et humide se met à tourner. Waouh, c'est poétique. Ce sera ce qu'il y a écrit sur Internet quand on aura mis les podcasts. Oui, oui. Parce que c'est en cours de travail. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Merci Salut. Beaucoup. Bon Salut. Dimanche. Merci. Bon et puis ben, on se retrouve à la rentrée du coup. Ouais. Oui. Bon, je vais faire semblant que je remets la bande de la musique de Radio Dio et je vais repasser Take Me to Church seulement pour le plaisir. Pour le plaisir. Moi, je suis d'accord. Vous avez pas dit quel groupe ciao, c'était ciao. Ah oui, ah, c'est de Osier. Ah oui, ah ouais. Osier, Take Me to Church. She's a giggle at a funeral, knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to.